La marquise de Brinvilliers. Huitième partie. Elle pria ainsi jusqu'à 7 heures. Au moment où elle sonnait, le bourreau vint sans rien dire se placer debout devant elle. Elle comprit que le moment était venu et, saisissant le bras du docteur, « Encore un peu de temps, lui dit-elle, encore quelques instants, je vous prie. » « Madame, répondit le docteur en se levant, allons adorer le sang divin dans le sacrement et le prier de vous ôter ce qui vous reste de tâches et de péchés, et vous obtiendrez ainsi le répit que vous désirez. » Alors le bourreau serra autour de ses mains les cordes qu'auparavant il avait laissées lâches et presque flottantes, et elle vint d'un pas assez ferme se mettre à genoux devant l'autel, entre le chapelain de la conciergerie et le docteur. Le chapelain était en surplis, et il entonna à voix haute le Veni Creator, le Salve Regina et Tantum Ergo. Ses prières finies, il lui donna la bénédiction du Saint-Sacrement, qu'elle reçut à genoux et la face contre terre. Puis le bourreau, marchant devant pour préparer une chemise, elle sortit de la chapelle, appuyée du côté gauche sur le docteur et du côté droit sur le valet du bourreau. Ce fut à cette sortie qu'elle éprouva sa première confusion. 10 ou 12 personnes l'attendaient, et comme elle se trouva tout à coup en face d'elle, elle fit un pas en arrière et de ses mains, toutes liées qu'elles étaient, elle abattit le devant de sa coiffe et s'en couvrit à moitié le visage. Bientôt, elle passa sous un guichet qui se referma derrière elle, de sorte qu'elle se retrouva seule entre 2 guichets, avec le docteur et le valet du bourreau. En ce moment, du mouvement violent qu'elle avait fait pour se cacher le visage, son chapelet se défila et quelques grains tombèrent par terre. Cependant, elle continuait d'avancer sans y faire attention. Mais le docteur la rappela. Puis, se baissant, il se mit à ramasser ses grains avec le valet du bourreau, qui, les ramassant tous dans sa main, les versa dans celle de la marquise. Alors, le remerciant humblement de cette attention, « Monsieur, lui dit-elle, je sais que je ne possède plus rien en ce monde, que tout ce que j'ai sur moi vous appartient, que je ne puis rien donner que de votre agrément, mais je vous prie de trouver bon qu'avant de mourir je donne ce chapelet à monsieur. Vous n'y perdrez pas beaucoup, car il n'est pas de prix, et je ne le lui remets que pour le faire passer aux mains de ma sœur. Consentez donc, monsieur, que j'en use ainsi. Je vous supplie. » Madame, répondit le valet, quoique ce soit l'usage que les habits des condamnés nous appartiennent, vous êtes la maîtresse de tout ce que vous avez, et quand la chose serait de plus grande valeur, vous pouvez en disposer à votre plaisir. Le docteur qui lui donnait le bras la sentit frissonner à cette galanterie du valet du bourreau, qui, de l'humeur hautaine dont était la marquise, devait être pour elle la chose la plus humiliante qui se puisse imaginer. Mais cependant ce mouvement, si elle l'éprouva, fut intérieur, et son visage n'en témoigna rien. En ce moment, elle se trouva dans le vestibule de la conciergerie, entre la cour et le premier guichet, où on la fit asseoir afin de la mettre dans l'état où elle devait être pour l'amende honorable. Comme chaque pas qu'elle faisait alors la rapprochait de l'échafaud, chaque événement l'inquiétait davantage. Elle se retourna donc avec angoisse et vit le bourreau qui tenait une chemise à la main. En ce moment, on ouvrit la porte du vestibule et une 50aine de personnes entrèrent, parmi lesquelles étaient Madame la comtesse de Soissons, Madame du Refuge, Mademoiselle de Scudéry, Monsieur de Roquelaure et Monsieur l'abbé de Chimay. À cette vue, la marquise devint rouge de honte, et se penchant vers le docteur, « Monsieur, lui dit-elle, cet homme va-t-il donc me déshabiller une seconde fois comme il l'a fait déjà dans la chambre de la question. Tous ces apprêts sont bien cruels et malgré moi me détournent de Dieu. » Le bourreau, si bas qu'elle eût parlé, entendit ces paroles et la rassura, lui disant qu'on ne lui ôterait rien et qu'on lui passerait la chemise par-dessus ses autres vêtements. Alors, il s'approcha d'elle, et comme il était d'un côté et son valet de l'autre, la marquise qui ne pouvait parler au docteur lui exprimait par ses regards qu'elle éprouvait profondément tout ce qu'il y avait d'ignominieux dans sa situation. Puis, lorsqu'il lui eut passé la chemise, opération pour laquelle il fallut lui délier les mains, il lui releva sa cornette qu'elle avait abaissée, comme nous l'avons dit, la lui noua sous le cou, lui attacha de nouveau les mains avec une corde, lui en lia une au lieu de ceinture et une autre encore autour du cou, puis se mettant à genoux devant elle, il lui ôta ses mules et lui tira ses bas. Alors elle étendit sur le docteur ses bras liés. « Oh, monsieur, dit-elle, au nom de Dieu, vous voyez ce que l'on me fait. Daignez donc vous rapprocher de moi pour me consoler. » Le docteur se rapprocha aussitôt d'elle, lui soutenant la tête renversée sur sa poitrine, et voulut la réconforter. Mais elle, avec un ton de lamentation déchirant, « Oh, monsieur, dit-elle, jetant un regard sur tout le monde qui la dévorait des yeux, « ne voilà-t-il pas une étrange et barbare curiosité ?»« Madame, répondit le docteur les larmes aux yeux, ne regardez point l'empressement de ces personnes du côté de la barbarie et de la curiosité, quoique ce soit peut-être leur côté réel, mais regardez-les comme une honte que Dieu vous envoie en expiation de vos crimes. Dieu, qui était innocent, fut soumis à bien d'autres opprobes, et cependant il les subit avec joie, car ainsi que le dit Tertullien, ce fut une victime qui ne s'engraissa que de la volupté des souffrances. » Comme le docteur achevait ces paroles, le bourreau mit à la marquise la torche allumée entre les mains, afin qu'elle la portât ainsi jusqu'à Notre-Dame, où elle devait faire son amende honorable. Et comme elle était très lourde, pesant 2 livres, le docteur la soutint de la main droite, tandis que pour la seconde fois, le greffier lui lisait l'arrêt, que le docteur faisait tout ce qu'il pouvait pour l'empêcher d'entendre, lui parlant sans cesse de Dieu. Cependant, elle pâlit si affreusement lorsque le greffier lui relut ces paroles. « Et ce fait sera mené et conduite dans un tombereau, nu-pied, la corde au cou, et tenant en ses mains une torche ardente du poids de 2 livres, que le docteur ne put avoir de doute, quelque peine qu'il se fût donnée, qu'elle les avait entendus. Ce fut bien pis encore lorsqu'elle arriva sur le seuil du vestibule et qu'elle vit la grande foule de monde qui l'attendait dans la cour. Alors elle s'arrêta, le visage tout en convulsion, et s'appuyant sur elle-même, comme si elle avait voulu enfoncer ses pieds en terre. « Monsieur, dit-elle au docteur, d'un air à la fois farouche et plaintif, « Monsieur, serait-il bien possible qu'après ce que je passe à l'heure qu'il est, Monsieur de Brinvilliers eût encore assez peu de cœur pour demeurer dans ce monde ?»« Madame, répondit le docteur, lorsque notre Seigneur fut prêt à quitter ses apôtres, il ne pria point Dieu de les enlever de la terre, mais d'empêcher qu'ils ne tombassent dans le vice. « Mon père, dit-il, je ne demande pas que vous les tiriez du monde, mais que vous les préserviez du mal. Si donc, madame, vous demandez quelque chose à Dieu pour Monsieur de Brinvilliers, que ce soit seulement qu'il le maintienne dans sa grâce s'il y est, et pour qu'il l'y mette s'il n'y est pas. » Mais ces paroles furent impuissantes. Pour le moment, la honte était trop grande et trop publique. Son visage se plissa, ses sourcils se froncèrent, ses yeux jetèrent des flammes, sa bouche se tordit, tout son air devint terrible, et le démon reparut un instant sous l'enveloppe qui le recouvrait. Ce fut pendant ce paroxysme qui dura presque 1/4 d'heure que le brun qui était près d'elle s'impressionna de son visage et en garda un tel souvenir que la nuit suivante, ne pouvant dormir, ayant sans cesse cette figure devant les yeux, il en fit le beau dessin qui est au Louvre, et, en regard de ce dessin, une tête de tigre, pour montrer que les traits principaux étaient les mêmes et que l'une ressemblait à l'autre. Ce retard dans la marche avait été occasionné par la grande foule qui encombrait la cour et qui ne s'ouvrit que devant les archers qui vinrent à cheval fendre la presse. La marquise put alors sortir, et pour que sa vue ne s'égarât point davantage sur tout ce monde, le docteur lui mit un crucifix à la main, lui ordonnant de ne pas le perdre des yeux. C'est ce qu'elle fit jusqu'à la porte de la rue où l'attendait le tombereau. Là, il lui fallut bien lever les yeux sur l'objet infâme qui se trouvait devant elle. C'était un des plus petits tombereaux qui se puissent voir, portant encore la trace de la boue et des pierres qu'il avait transportées, sans siège pour s'asseoir et avec un peu de paille jetée au fond. Il était attelé d'un mauvais cheval qui complétait merveilleusement l'ignominie de cet équipage. Le bourreau la fit monter la première, ce qu'elle exécuta avec assez de force et de rapidité, comme pour fuir les regards qui l'entouraient, et elle se blottit, comme eût fait une bête fauve, à l'angle gauche, assise sur la paille et tournée à reculons. Le docteur monta ensuite et s'assit près d'elle, à l'angle droit. Puis le bourreau monta à son tour, ferma la planche de derrière et s'assit sur elle, allongeant ses jambes entre celles du docteur. Quant au valet, qui avait la charge de conduire le cheval, il s'assit sur la traverse de devant, dos à dos avec la marquise et le docteur, les pieds écartés et posés sur les deux brancards. Ce fut dans cette situation qui fait comprendre comment Madame de Sévigné, qui était sur le pont Notre-Dame avec la bonne Descartes, ne vit qu'une cornette, que la marquise se mit en marche pour Notre-Dame. À peine le cortège avait-il fait quelques pas que le visage de la marquise, qui avait repris un peu de tranquillité, se bouleversa de nouveau. Ses yeux, qui étaient constamment restés fixés sur le crucifix, lancèrent hors du tonneau deux regards de flamme, puis prirent aussitôt un caractère de trouble et d'égarement qui effraya le docteur, qui, reconnaissant que quelque chose lui faisait impression et voulant maintenir son âme dans le calme, lui demanda ce qu'elle avait vu. « Rien, monsieur, rien !» dit-elle vivement et en ramassant ses regards sur le docteur. « Ce n'est rien !»« Mais madame, lui dit-il, vous ne pouvez cependant démentir vos yeux, et il y a dans vos yeux depuis un moment un feu si étranger à celui de la charité qu'il ne peut y être venu qu'à la vue de quelque objet fâcheux. Qu'est-ce que ce peut être ? Dites-le-moi, je vous prie, car vous m'avez promis de m'avertir de tout ce qui vous viendrait de tentation. « Monsieur, répondit la marquise, je le ferai aussi, mais ce n'est rien. » Puis tout à coup, jetant les yeux sur le bourreau qui, ainsi que nous l'avons dit, était en face du docteur, « Monsieur, lui dit-elle vivement, monsieur, mettez-vous devant moi, je vous prie, et me cachez cet homme. » Et elle étendait ses deux mains liées vers un homme qui suivait le tombereau à cheval, repoussant de ce geste la torche, que le docteur retint, et le crucifix qui tomba à terre. Le bourreau regarda derrière lui, puis se retourna de côté comme elle l'en avait prié, lui faisant signe de la tête et murmurant tout bas. « Oui, oui, j'entends bien ce que c'est. » Et comme le docteur insista, « Monsieur, lui dit-elle, ce n'est rien qui mérite de vous être rapporté, et c'est une faiblesse à moi de ne pouvoir présentement soutenir la vue d'une personne qui m'a maltraité. Cet homme que vous avez vu toucher le derrière du tombereau est Desgrais, qui m'a arrêté à Liège et m'a si fort maltraité tout le long de la route que je n'ai pu, en le revoyant, maîtriser le mouvement dont vous vous êtes aperçu. Madame, répondit le docteur, j'ai ouï parler de lui, et vous-même m'en avez entretenu dans votre confession. Mais c'était un homme envoyé pour se saisir de vous et en répondre, chargé de grands ordres, et qui avait raison de vous garder de près et de vous veiller avec rigueur. Et quand il vous aurait gardé plus sévèrement encore, il n'aurait exécuté que sa commission. Jésus-Christ, madame, ne pouvait regarder ses bourreaux que comme des ministres d'iniquité qui servaient l'injustice et qui y ajoutaient de leur chef toutes les cruautés qui leur venaient à l'esprit. Et cependant, tout le long de la marche, il les vit avec patience et avec plaisir, et en mourant, il pria pour eux. Il se fit alors chez la marquise un rude combat qui se refléta sur son visage, mais qui ne fut que d'un moment. Et après une dernière contraction, il reprit sa surface calme et sereine. Puis, « Monsieur, dit-elle, vous avez raison, et je me fais bien du tort par une pareille délicatesse. J'en demande pardon à Dieu, et vous prie de vous en souvenir sur l'échafaud, quand vous me donnerez l'absolution, ainsi que vous me l'avez promise, afin qu'elle tombe sur cela, comme sur autre chose. » Puis, se tournant vers le bourreau, « Monsieur, continua-t-elle, remettez-vous comme vous étiez d'abord, et que je voie Monsieur Desgrais. » Le bourreau hésita à obéir, mais sur un signe que lui fit le docteur, il reprit sa première place. La marquise regarda quelque temps Desgrais d'un air doux, murmurant une prière en sa faveur, puis, ramenant les yeux sur le crucifix, elle se remit à prier pour elle-même. Cela se passa devant l'église de Sainte-Geneviève des Ardents. Cependant, si doucement qu'il marcha, le tombereau continuait d'avancer et finit par se trouver sur la place de Notre-Dame. Alors les archers firent écarter le peuple qui l'encombrait et le tombereau poussa jusqu'aux marches où il s'arrêta. Là, le bourreau descendit, enleva la planche de derrière, prit la marquise dans ses bras et la déposa sur le pavé. Le docteur descendit après elle, les pieds tout engourdis de la position gênée où il se tenait depuis la conciergerie, monta les marches de l'église et alla se placer derrière la marquise, qui se tenait debout sur le parvis, ayant un greffier à sa droite, le bourreau à sa gauche et derrière elle, une grande foule de personnes qui étaient dans l'église, dont toutes les portes avaient été ouvertes. On la fit agenouiller, on lui donna la torche allumée que, jusque-là, le docteur avait presque toujours portée. Puis le greffier lui lut l'amende honorable qu'il tenait écrite sur un papier et qu'elle commença à répéter après lui, mais si bas que le bourreau lui dit d'une voix forte, « Dites comme monsieur !» et répétait tout après lui, « Plus haut, plus haut !» Et alors elle éleva la voix, et avec autant de fermeté que de dévotion, elle répéta la réparation suivante. « Je reconnais que méchamment et par vengeance, j'ai empoisonné mon père et mes frères et attenté à l'empoisonnement de ma sœur pour avoir leur bien, dont je demande pardon à Dieu, au roi et à la justice. » L'amende honorable finie, le bourreau la reprit dans ses bras et la reporta dans le tombereau sans plus lui donner la torche. Le docteur monta près d'elle. Chacun reprit la place qu'il avait auparavant et le tombereau s'achemina vers la grève. De ce moment, jusqu'à ce qu'elle arrivât à l'échafaud, elle ne quitta plus des yeux le crucifix que le docteur tenait de la main gauche et lui présentait sans cesse, l'exhortant toujours par de pieuses paroles, essayant de la distraire des murmures terribles qui s'élevaient autour de la charrette et dans lesquelles il était facile de distinguer des malédictions. Arrivé sur la place de Grève, le tombereau s'arrêta à quelque distance de l'échafaud. Alors le greffier, que l'on nommait Monsieur Drouet, s'avança à cheval et s'adressant à la marquise. « Madame, lui dit-il, n'avez-vous rien à dire de plus que vous n'avez dit? Car si vous avez quelque déclaration à faire, messieurs les 12 commissaires sont là, en l'hôtel de ville, et tout prêts à la recevoir. » « Vous entendez, madame, reprit alors le docteur, nous voici au terme du voyage, et Dieu merci, la force ne vous a pas abandonné dans la route. Ne détruisez pas l'effet de tout ce que vous avez déjà souffert et de tout ce que vous avez à souffrir encore, en cachant ce que vous savez, si par hasard vous en savez plus que vous n'en avez dit. « J'ai dit tout ce que je savais, répondit la marquise. Et je ne puis dire autre chose. Répétez-le donc tout haut, répliqua le docteur, et que tout le monde l'entende. Alors la marquise, de la plus forte voix qu'elle put prendre, répéta : J'ai dit tout ce que je savais, monsieur, et je ne puis dire autre chose. Cette déclaration faite, on voulut faire approcher davantage le tombereau de l'échafaud. Mais la foule était si pressée que le valet du bourreau ne pouvait se faire jour malgré les coups de fouet qu'il donnait devant lui. Il fallut donc s'arrêter à quelques pas. Quant au bourreau, il était descendu et ajustait l'échelle. Pendant cet instant d'horrible attente, la marquise regardait le docteur d'un air calme et reconnaissant, et comme elle sentit que le tombereau cessait de marcher, « Monsieur, lui dit-elle, ce n'est point ici que nous devons nous séparer, et vous m'avez promis de ne point me quitter que je n'ai la tête coupée. J'espère que vous me tiendrez parole. Oui, sans doute, répondit le docteur. Je vous la tiendrai, madame, et ce ne sera que l'instant de votre mort qui sera celui de notre séparation. Ne vous mettez donc point en peine de cela, car je ne vous abandonnerai point. J'attendais de vous cette grâce, reprit la marquise, et vous y étiez engagé trop solennellement pour que vous eussiez, je le sais, l'idée même d'y manquer. Vous serez, s'il vous plaît, sur l'échafaud avec moi et près de moi. Et maintenant, monsieur, comme il faut que je prévienne le dernier adieu et que la quantité de choses que j'aurais à faire sur l'échafaud pourrait m'en distraire, permettez que de ce moment, je vous remercie. Car si je me sens bien disposé à subir la sentence des juges de la terre et à écouter celle du juge du ciel, je dois tout cela à vos soins, monsieur. Je le reconnais hautement. Il ne me reste donc qu'à vous faire excuse de la peine que je vous ai donnée et je vous en demande pardon. » Et comme les larmes coupaient la voix du docteur et qu'il ne pouvait répondre, « N'est-ce pas que vous m'excusez bien ? » répéta-t-elle. À ces mots, le docteur voulut la rassurer, mais sentant que s'il ouvrait la bouche, il éclaterait en sanglots, il continua de garder le silence. Ce que voyant, la marquise, elle reprit une troisième fois. « Je vous supplie, monsieur, de me pardonner et de ne pas regretter le temps que vous avez passé près de moi. Vous direz sur l'échafaud un De Profundis au moment de ma mort, et demain, une messe pour moi. Vous me le promettez, n'est-ce pas ? » ?»« Oui, madame, dit le docteur d'une voix entrecoupée. Oui, oui. Soyez tranquille, je ferai ce que vous m'ordonnez. » En ce moment, le bourreau ôta la planche et tira la marquise du tombereau. Et comme il fit quelques pas avec elle vers l'échafaud et que tous les yeux se tournèrent de leur côté, le docteur put pleurer un instant dans son mouchoir sans que personne s'en aperçût. Mais comme il s'essuyait les yeux, le valet du bourreau lui tendit la main pour l'aider à descendre. Pendant ce temps, la marquise montait à l'échelle conduite par le bourreau, et lorsqu'elle fut arrivée sur la plateforme, il la fit mettre à genoux devant une bûche qui était couchée en travers. Alors le docteur qui avait monté l'échelle, d'un pas moins ferme qu'elle, vint s'agenouiller à ses côtés, mais tourné d'une autre façon qu'elle, afin de lui parler à l'oreille. C'est-à-dire que la marquise regardait la rivière et le docteur l'hôtel de ville. À peine furent-ils dans cette position que le bourreau décoiffa la patiente et lui coupa les cheveux par derrière et aux deux côtés, lui faisant tourner et retourner la tête, quelquefois même assez rudement. Et quoique cette toilette horrible durât près d'une demi-heure, elle ne fit pas entendre une plainte et ne donna d'autre signe de douleur que de laisser échapper de grosses larmes silencieuses. Les cheveux coupés, il lui déchira pour lui découvrir les épaules le haut de la chemise qu'il lui avait passée par-dessus ses habits en sortant de la conciergerie. Enfin, il lui banda les yeux et lui relevant le menton avec la main, il lui ordonna de se tenir la tête droite. Elle obéit à tout, sans aucune résistance, écoutant toujours ce que lui disait le docteur et répétant de temps en temps ses paroles lorsqu'elles étaient appropriées à la situation. Pendant ce temps, le bourreau sur le derrière de l'échafaud contre lequel était dressé le bûcher jetait de temps en temps les yeux sur son manteau, des plis duquel on voyait sortir la poignée d'un long sabre droit qu'il avait eu la précaution de cacher ainsi pour que Madame de Brinvilliers ne le vît pas en montant sur l'échafaud. Et comme après avoir donné l'absolution à la marquise, le docteur, en tournant la tête, vit que le bourreau n'était pas encore armé, il lui dit ces paroles en forme de prière qu'elle répéta après lui. Jésus, fils de David et de Marie, ayez pitié de moi. Marie, fille de David et mère de Jésus, priez pour moi. Mon Dieu, j'abandonne mon corps qui n'est que poussière et le laisse aux hommes pour le brûler, le réduire en cendres et en disposer comme il leur plaira, avec une ferme foi que vous le ferez ressusciter un jour et que vous le réunirez à mon âme. Je ne suis en peine que d'elle. Agréez, mon Dieu, que je la remette à vous. Faites-la entrer dans votre repos et recevez-la dans votre sein, afin qu'elle remonte à la source dont elle est descendue. Elle part de vous, qu'elle retourne à vous. Elle est sortie de vous, qu'elle rentre en vous. Vous en êtes l'origine et le principe. Soyez, ô mon Dieu, le centre et la fin. La marquise achevait ce mot lorsque le docteur entendit un coup sourd comme celui d'un coup de couperet qui se donnerait pour trancher la chair sur un billot. Au même instant, la parole cessa. Le couteau avait passé si vite que le docteur n'en avait pas même vu passer l'éclair. Il s'arrêta lui-même, les cheveux hérissés et la sueur sur le front, car ne voyant point tomber la tête, il crut que le bourreau avait manqué son coup et qu'il allait être obligé de recommencer. Mais cette crainte fut courte, car presque au même instant, la tête s'inclina vers le côté gauche, glissa sur l'épaule et de l'épaule roula en arrière, tandis que le corps tombait en avant sur la bûche placée en travers, soulevé de manière à ce que les spectateurs vissent le cou tranché et sanglant. Au même instant, et ainsi qu'il le lui avait promis, le docteur lui dit « Un de profundis ». Lorsque le docteur eut fini sa prière, il leva la tête et vit devant lui le bourreau qui s'essuyait le visage. « Eh bien, monsieur, dit-il au docteur, n'est-ce point là un bon coup ? Je me recommande toujours à Dieu en ces occasions-là, et il m'a toujours assisté. Il y a plusieurs jours que cette dame m'a inquiété, mais j'ai fait dire six messes, et je me suis senti le cœur et la main rassurés. À ces mots, il chercha sous son manteau une bouteille qu'il avait apportée sur l'échafaud, en but un coup, puis, prenant sous un bras le corps tout habillé comme il était, et de l'autre main, la tête, dont les yeux étaient restés bandés, il jeta l'un et l'autre sur le bûcher, auquel son valet mit aussitôt le feu. Le lendemain, dit Madame de Sévigné, on cherchait les os de la marquise de Brinvilliers parce que le peuple disait qu'elle était sainte. En 1814, M. d'Offemont, père du propriétaire actuel du château où la marquise de Brinvilliers empoisonna M. d'Aubray, effrayé de l'approche des troupes alliées, pratiqua dans l'une des tourelles plusieurs cachettes où il enferma l'argenterie et les autres objets précieux qui se trouvaient dans cette campagne, isolée au milieu de la forêt de l'Aigue. Les troupes étrangères passèrent et repassèrent à Offemont, et après 3 mois d'occupation, se retirèrent au-delà de la frontière. On se hasarda alors à tirer de leurs cachettes les différents objets qui y avaient été enfermés, et comme on sondait les murs de peur d'oublier quelque chose, une des parois rendit un son creux qui indiqua une cavité jusqu'alors inconnue. La muraille fut attaquée à coups de levier et de pioche, et plusieurs pierres étant tombées, démasquèrent un grand cabinet en forme de laboratoire dans lequel on retrouva des fourneaux, des instruments de chimie, plusieurs fioles hermétiquement bouchées et contenant encore une eau inconnue, et enfin 4 paquets de poudre de différentes couleurs. Malheureusement, ceux qui firent cette découverte y attachèrent trop ou trop peu d'importance, et au lieu de soumettre ces différents ingrédients à l'investigation de la science moderne, ils firent disparaître avec grand soin paquets et bouteilles, effrayés eux-mêmes des substances mortelles que probablement ils renfermaient. Ainsi fut perdue cette étrange et probablement dernière occasion de reconnaître et d'analyser les substances dont se composaient les poisons de Sainte-Croix et de la marquise de Brinvilliers.